Je viens trouver le maître du Pérou. » Dans un coin de la grande place d'Arequipa, à l'une des fenêtres de l'hôtel du Jockey Club, qui était une espèce d'auberge pour les muletiers, le marquis de la Torre et Natividad assistaient avec impatience au triomphe du dictateur. Ils eussent bien voulu que la cérémonie fût au plus tôt terminée, car ils n'avaient plus d'espoir qu'en Garcia. À Pisco, ils avaient acquis la certitude que l'escorte de l'épouse du soleil s'était embarquée sur le remorqueur même qui appartenait au marquis et qui servait à l'ordinaire à conduire les chalands chargés de guano des îles Chincha à Calao, ce qui prouvait, une fois de plus, que l'entreprise avait été longuement préparée et soignée dans tous ses détails, et qu'on y avait employé les Indiens chassés par Marie-Thérèse, Indiens au courant de tous les services de magasinage et de navigation. La pointe que les ponches rouges avaient poussée dans la Sierra n'avait eu d'autre but que de donner le change. Mais tout le voyage avait été réglé par la Costa pour aboutir, après voyage en mer, de Pisco à Molando, à Arequipa, d'où l'on devait gagner le Cusco. Embarqués à leur tour, le marquis, Raymond, François Gaspard, toujours tranquille, et Natividad, qui commençait à désespérer de tout, s'étaient fait conduire à prix d'or à Molando, avaient pris le chemin de fer et étaient arrivés à Arequipa quelques heures après les ponches rouges. Ils étaient tombés dans une ville sans dessus-dessous, où les gens ne se donnaient même pas la peine de répondre à leurs questions. Et c'est par le plus grand des hasards qu'ayant reconnu de loin Huascar, qui se promenait paisiblement dans cette cité en ébullition, il l'avait suivi et avait découvert la maison où l'on tenait Marie-Thérèse et son frère prisonniers. C'était une petite bâtisse en adobe, briques cuites au soleil, qui s'élevait à l'extrémité d'une rue, à l'entrée de la Campina, sur le bord du Rio Chili. Une dizaine de ponches rouges armées montaient la garde ostensiblement autour de la masure. Le marquis et Raymond ne purent même point en approcher. Ils virent se dresser devant eux, à une cinquantaine de mètres de la maison, des gardes civiques qui les invitèrent à rétrograder. Ainsi, les soldats de Garcia veillaient eux-mêmes sur l'épouse du soleil. Une pareille chose dépassait toute imagination. « Garcia ne sait certainement pas ce qui se passe, » dit le marquis, « sans quoi il aurait vite fait d'enlever ma fille à ces sauvages. Je le connais. Il a ses défauts, mais c'est un homme civilisé. Il m'a demandé ma fille en mariage. Allons le trouver. » Mais Raymond ne voulut pas quitter de vue les murs de la maison où était Marie-Thérèse. Si on l'avait écouté, on n'aurait pas attendu l'entremise de Garcia et on se serait fait fusiller comme des lapins. C'est ce que finit par lui faire entendre Natividad. En ce temps de révolution, c'était vite fait. Pan, pan, 2-3 cadavres de plus dans le Rio Chili, ça n'était pas pour le faire déborder. Et ce n'était pas cela non plus qui aurait sauvé Marie-Thérèse et son frère. Il promit de ne point faire le fou et se glissa dans une embarcation dont il ne bougea pas, les yeux sur la porte devant laquelle ponches rouges et soldats passaient et repassaient, l'arme en bataille. Le marquis et Natividad regagnèrent la seule auberge qui avait pu leur fournir une chambre et se firent servir quelque nourriture en attendant impatiemment l'arrivée de Garcia. Plus ils réfléchissaient, plus Cristobal reprenait confiance. Au fond, il était très bien avec Garcia. Et puis, il lui promettait son appui et celui de ses amis. Il serait son agent à Lima. Enfin, un homme civilisé ne pouvait laisser s'accomplir une chose pareille. Natividad était naturellement de cet avis. L'idée qu'il allait être présenté au vainqueur du Cusco ne lui était point déplaisante. Certes, il ne prononcerait point des paroles qui pussent le compromettre. Mais enfin, il est bon de connaître ceux qui peuvent devenir les maîtres du jour. Quant à François Gaspard, on l'avait perdu, ou plutôt on l'avait laissé en contemplation devant la hautaine apparition du Misti, et on ne l'avait plus revu. Sans doute devait-il être maintenant, quelque part, à prendre des notes sur l'entrée en triomphe du nouveau dictateur. Garcia, dans toute sa gloire, déplut profondément au marquis qui aimait les choses brillantes, mais qui n'en restait pas moins un délicat. « Je ne l'aurais pas cru si panachard, » dit-il à Natividad. « À Lima, il était plus simple, mais j'ai toujours pensé qu'il avait du sang de métis dans les veines. » « Le succès l'a grisé, » observa Natividad. « Il ne sait pas garder la mesure. »« Tout de même, il me rendra mes enfants, » affirma le marquis. Quand Garcia quitta la place, il le suivit derrière son état-major, après avoir dit un mot à l'aubergiste. À l'entrée de la rue où se trouvait le palais du dictateur, Ils furent arrêtés, mais le marquis marqua tant de hauteur, d'insolence et d'impatience, parla si fort de son ami Garcia, qu'on finit par le laisser passer, lui et Natividad, qu'il traînait par la main. Au corps de garde, le marquis donna sa carte. Le sous-officier revint aussitôt, en priant les caballeros de le suivre. Ils ne le se firent pas dire deux fois. Il y avait des soldats partout, mais beaucoup étaient fatigués, et le marquis et Natividad durent enjamber plusieurs militaires qui dormaient déjà sur les degrés de l'escalier d'honneur, le fusil entre les jambes. Enfin, le sous-officier poussa une porte, et ils se trouvèrent sans encombre dans la chambre à coucher de son Excellence, qui y présidait un conseil de ministres qu'il avait nommé la veille. Quelques-uns de ses hauts fonctionnaires étaient assis sur le lit, d'autres sur la table ou même sur un paquet de linge sale. C'est ainsi que se débattaient les grandes affaires du pays. Ils furent reçus plus que courtoisement. Garcia, qui avait la tête dans une cuvette et qui, en bras de chemise, les manches retroussées, était en train de se faire la barbe, courut aussitôt au-devant du marquis, en faisant s'envoler autour de lui tout un nuage de mousse de savon. Il s'excusa. « Excusez-moi, seigneur, la simplicité antique. Je vous reçois dans ma chambre comme un ami, car j'espère bien, monsieur le marquis, que vous venez en ami du nouveau gouvernement. Permettez-moi de vous le présenter. » Il commença par le ministre de la guerre, qui était à cheval sur le traversin, et finit par le ministre des postes et télégraphes, un horrible métis qui mâchait des feuilles de coca sur le paquet de linge sale. « Vous voyez, nous ne faisons pas de manière. Je suis un type, moi, dans le genre de Caton. L'Antiquité, il n'y a que cela pour forger des hommes. Les bons padrés nous l'ont appris, et j'ai reçu une excellente éducation. » Bon enfant, il éclata de rire, et les pria de s'asseoir où il pouvait, et continua. « Vous comprenez, tout le fla-fla, toute l'étiquette, tout cela c'est pour le dehors, pour la foule. Il faut étonner la foule. Si on n'étonne pas la foule, on est fichu, monsieur le marquis. » Ils zézaillaient un peu et roulaient des prunelles noires énormes. C'était un épouvantail pour enfants. Mais son extérieur funambulesque n'empêchait point qu'il fût magnanime comme Hector et malin comme un singe. « Avez-vous vu ma revue, hein? Quels soldats, quelle armée! Et si vous les voyez au feu? Pan, pan! Gai comme s'il faisait partir des coëtes. Pétard. Et la pluie, hein? Avez-vous vu comme elle s'est arrêtée, la pluie? Que dit-on de moi, monsieur le marquis, à Lima? » Tout ce verbiage était une tactique. Pendant ce temps, il examinait son homme, il dévisageait aussi, sans qu'il y parût, Natividad. Il essayait de les deviner, se demandant s'il n'était point envoyé par Vintémilia en ambassade, et cherchait déjà la réponse qu'il devait faire à une demande d'amnistie ou à un traité de paix avec l'offre rémunératrice de quelques gros gouvernements. Et il se décidait à tout repousser, voulant jouer sur sa carte jusqu'à son dernier sol, il était très riche, et sa vie par-dessus le marché. Le marquis put enfin parler. « Je suis venu trouver le maître du Pérou. » À ces mots, Garcia, qui avait fini de se débarbouiller, releva la tête et regarda le marquis au-dessus de la serviette dont il se tamponnait le visage, qu'il avait en effet un peu trop hâlé pour un pur sang. « Le maître du Pérou ?» Garcia savait que le marquis de la Torre était un ami de Vintémilia. Qu'est-ce qu'une pareille démarche et une pareille phrase voulaient dire? Dès lors, il se tint plus que jamais sur ses gardes. Quant à Natividad, en entendant le marquis, il avait baissé la tête, rouge comme une cerise. « Je suis définitivement compromis, » se disait-il. Et il regrettait d'être venu. Le marquis répéta. « Je suis venu trouver le maître du Pérou pour lui demander, à lui qui peut tout, à lui dont la devise est « liberté pour tout, excepté pour le mal », qu'il me fasse rendre ma fille et mon petit garçon que l'on m'a volé. « Que dites-vous ? » s'écria Garcia. « Que dites-vous ? On vous a volé vos enfants ? Mais c'est un crime abominable qui sera châtié de la mort des coupables, je vous le jure. J'en atteste mon ancêtre, Pedro de la Vega, qui a donné sa vie pour la noble cause de la religion contre les infidèles en l'an de grâce 1537, ayant reçu 17 blessures à la bataille de Xoxa, aux côtés de votre parent, monsieur le marquis, l'illustre Cristobal de la Torre. » Le marquis avait toujours prétendu à son cercle que Garcia ne descendait en aucune sorte de ce Pedro de la Vega, et Garcia savait quelle était l'opinion du marquis, mais celui-ci n'eut garde de la faire voir. C'est justement ces infidèles, Excellence, qui m'ont pris ma fille. L'adorable señorita, que me dites-vous? Les infidèles, quels infidèles? Excellence, vous connaissez ma fille, Marie-Thérèse. Des Indiens quichua s'en sont emparés dans mes magasins de Calao. Les misérables, les bandits! Au début des fêtes de l'Interraimi, pour la sacrifier dans leur temple, comme ils sacrifiaient autrefois les Vierges du Soleil. Hein? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Que dites-vous? Sacrifier la signorita? Qui vous a dit cela? Une histoire, ce n'est pas possible. Enfin, Excellence, je suis sûr qu'on me l'a enlevé. Permettez-moi de vous présenter M. Nandividad, est l'inspecteur supérieur de la police à Calao, un homme qui, comme moi, vous sera tout dévoué et qui a assisté à tout. Parlez, Natividad. Écrasé par la présentation du marquis, Natividad confirma les dires du marquis en paroles vagues et timides. Il paraissait avoir perdu la tête. Il se disait « Cette fois, ça y est, si Garcia ne met pas 20 emillas dans sa poche, je n'ai plus qu'à passer en Bolivie. » Mais enfin, pourquoi venez-vous me dire cela à moi? On vous a volé votre fille à Calao, je n'en suis pas responsable. C'est encore 20 emillas qui est le maître de Calao. C'est à 20 emillas qu'il faut vous plaindre. Moi, je ne puis malheureusement rien pour vous. » soupira très hypocritement Garcia, qui ne tenait nullement à se mêler d'une affaire pareille, dans laquelle il entrevoyait des démêlés avec les Quichua, ses partisans et ses alliés. « Excellence, ma fille et mon petit garçon, car le petit Cristobal est également entre leurs mains, sont ici, chez vous, dans votre ville, dans votre capitale, et la maison que l'on a transformée pour eux en prison est gardée par vos soldats. Ça, c'est impossible, je le saurais. Et si par un mystère qui reste à éclaircir, il en était ainsi, je n'ai pas besoin de vous dire que vous avez eu raison de venir me trouver, monsieur le marquis. Je connais votre grande âme, Excellence. Je savais bien que ce ne serait pas en vain que je m'adresserais à vous. Mes enfants sont sauvés. Je ne l'oublierai de ma vie, et vous pouvez compter sur moi et sur mes amis à Lima, Excellence. Et vous savez si j'en ai des amis. Et monsieur en a aussi. » Il montrait Natividad. Toute la police de Calao est pour vous. Elle attend impatiemment votre arrivée. Excellence, pardonnez-moi, il n'y a pas un instant à perdre. Accompagnez-nous jusqu'aux portes de la ville, jusqu'au Rio Chili, et mes biens et ma vie sont à vous. Il m'est impossible de me déranger dans le moment, répliqua le dictateur avec un soupir attristé. J'attends le consul d'Angleterre qui m'a demandé une entrevue, mais je mets à votre disposition mon ministre de la guerre qui vous accompagnera et qui vous sera tout aussi utile que moi, mon cher marquis. » Sur quoi il siffla son ministre de la guerre, qui se lança avec assez peu d'empressement. « Va donc voir ce qui se passe du côté du Rio Chili, » lui ordonna Garcia, « et reviens bien vite me faire ton rapport. Entre nous, monsieur, je crois que l'on vous a abusé, mais croyez bien que tout ce que je puis faire pour vous, dans une aussi étrange affaire, sera fait. » Et il ouvrit lui-même la porte, pour bien leur faire entendre que l'audience était terminée. Le marquis, à défaut de Garcia, entraîna au plus vite le ministre de la guerre, dont les énormes éperons remplissaient de leur bruit de ferraille l'écho sonore de l'escalier d'honneur. Natividad suivait. Garcia referma la porte. « Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire-là ? » se demanda-t-il tout haut, visiblement très ennuyé. « Je parie qu'Oviedo Runtu est encore dans l'affaire. » S'il est vrai qu'il se soit attaqué à la señorita de la Torre, ce n'est pas ce qui avancera nos affaires à Lima. » La porte s'ouvrit et un officier annonça le consul d'Angleterre. Celui-ci se présenta avec 1000 compliments à l'adresse du vainqueur. C'était un gros négociant de l'endroit qui avait fourni des vivres à l'expédition et qui avait obtenu des commandes de Garcia en lui promettant l'appui de l'Angleterre. Garcia lui vanta encore ses troupes, et le consul trouva l'occasion de déclarer que des soldats ne sont rien sans un bon général. Garcia s'inclina, mais l'autre eut le tort, voulant outrer son compliment, d'ajouter « Car entre nous, Excellence, nous les connaissons, ces troupes quichua. Elles ne valent pas grand-chose, et si vous n'aviez pas été là… »« Mes troupes ne valent pas grand-chose !» hurla Garcia. « Savez-vous, monsieur le consul, les étapes qu'elles ont fournies dans la Sierra après un combat terrible ?» Y paraissait-il ce matin? Avez-vous vu un seul de mes soldats traîner la patte? Non, mais ils dorment tous dans l'escalier, répliqua le consul. Mes soldats dorment dans l'escalier?